she's the woman that loves me so. Say Bibbapalula, she's my baby. Bibbapalula, I don't know it, my baby. Bibbapalula, she's my baby, my baby, my baby. It's right. She's the one that walks around the store. She's the one that yells the most. Bibbapalula, she's my baby. Bibbapalula, I don't know my baby. Bibbapalula, she's my baby. My baby, my baby, my baby. That's right, yeah, now. We'll be right back.

tu restes la vie de ma vie. Je n'aimerai personne d'autre. Je ne t'oublierai pas pour une autre. Tu restes la vie de ma vie. Je n'aimerai personne d'autre. Quand l'amour s'en va, Dieu, tu t'es fini. Gotta run, run, run, gotta run, run. Ne pleurez pas, laissez tomber, tant pis. Gotta run, run, run, gotta run. De cette émission Didier & Co, j'avais pas assez monté le micro, donc on termine sur Baby London avec la pochette surprise numéro 1, et c'était une session sur la Citizen Band. À très bientôt, bye bye. Quand l'amour revient, on est c'est pour toujours. T'as le run, run, run, t'as le run, run. Peut-être bien que ce sera vrai un jour. T'as le run, run, run, t'as le run. O mesmo tipo de estrago ligado a esse tipo de eventos merecem o mesmo apoio, foi o que afirmou esta tarde, há pouco, o ministro António Leitão Amaro na conferência.